Littérature, théâtre, danse, cinéma, exposition, musique, performance, graphisme, architecture, création sonore, philosophie, linguistique, écologie, sciences, on parle de toutes les cultures dans Rien à voir quoique sur Campus FM 94 FM. Bonsoir, bonsoir à tous. Vous êtes bienvenus, pardon, dans Rien à voir quoique en direct sur Campus FM. Également en streaming où vous voulez sur la planète. Nous sommes le jeudi 22 février, il est 18h. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Simone Dompère. Elle est directrice artistique de Traverse Vidéo. Elle est là pour nous parler des prochaines rencontres qui se déroulent à Toulouse du 7 au 31 mars autour du cinéma, de l'art vidéo, d'installation, de performance ou de photographie. Et tout cela expérimental. Pas de coup de cœur musical d'Edgar ce soir, mais Lou est en direct avec nous. Salut Lou. Bonjour Anna. Et puis en fin d'émission, on parle musique avec Hugues, qui est caché quelque part dans la rédaction, et Emma, pour la première fois dans Rien à voir quoique. Bonsoir Emma. Bonsoir. On est ensemble jusqu'à 19h avec François, qui est à la réalisation technique de l'émission. Jusqu'à 19h, je l'ai dit. Bonsoir à tous. Bonsoir. Oui, et puis au-delà des ennuis, on ne peut pas vivre impunément sans être marqué par le passage du temps. Vous êtes bien sur Campus FM, vous écoutez Rien à voir quoique. Et c'est tout de suite l'humeur de Lou qui bibe ce soir. Oui, je bibe. Alors moi, je suis super heureuse aujourd'hui. J'ai découvert le BIB, autrement dit le bonheur intérieur brut. Alors vous connaissez le PIB, hein, le produit intérieur brut. C'est un peu le baromètre de la santé économique d'un pays. Mais alors voilà que tout d'un coup, on veut se mettre à mesurer l'indice de bonheur d'un pays. Alors moi, je me suis dit waouh, stop ces trucs. Et je me suis rappelée de la tête des gens dans le métro, de ceux du bus, de ceux de partout dans la ville, en fait, et peut-être même de partout en France. C'est vrai, c'est quand même un peu effrayant. La dernière fois, je suis allée boire un café avec une copine et le serveur est arrivé pour prendre la commande en disant « Hey, vous allez bien, mais avec du punch et tout, quoi !» Mais moi, j'étais tellement choquée, enfin, je veux dire, je m'y attendais tellement pas, que mon cerveau l'a pris pour une attaque. J'étais prête à lui mettre un coup de sac, à lui tenir de pugnaces allocutions quant à son manque évident de savoir-vivre, avec des arguments non sans mauvaise foi, tels que « On n'est pas potes, toi et moi, ok ?» ou encore « On se connaît ?» Je crois pas, non. Avec mon air le plus dédaigneux. Et du coup, je me suis fait peur, quoi. Même ma réaction à moi, elle m'a choquée. Je me suis dit que je devais être une fille super énervée dans la vie de tous les jours pour le prendre de haut, ce pauvre petit serveur qui, finalement, avait juste c'était gentil, hein. Mais justement, moi, ma petite échelle, si je dois faire un rapport de mes observations concernant le pseudo-bonheur des gens, je peux vous dire pour sûr que déjà, ils sourient pas beaucoup les gens dans la rue, et puis surtout, j'ai dû me poser la question. Attention, je sens bien les philosophes en herbe que vous êtes autour de cette table. Tintin, mais qu'est-ce que le bonheur? Alors, comme je sais pas trop ce que c'est ce truc, faut dire que je suis plutôt du genre à me morfondre en pleurant beaucoup. C'est vrai que je pleure, mais je pleure tellement. Un torrent de larmes, la dernière fois, j'ai fait éponge comme ça avec mon chat, qui avait l'air du coup autant au fond du trou que moi, je vous assure, il a essayé de se débattre, le pauvre félin, et après m'avoir mis un coup de griffe, il a prononcé cette chose. Traduisez, je suis un chat, un paton souffre-douleur, bref. Du coup, comme je sais pas ce que c'est, j'ai tapé dans Google « Qu'est-ce que le bonheur ?» Et là, je me rends compte que déjà Voltaire parle du bonheur, je cite « Nous cherchons tous le bonheur, mais sans savoir où, comme les ivrognes qui cherchent leur maison, sachant confusément qu'ils en ont une. » Oui, alors l'image est bien construite, mais enfin, même à 8 grammes, j'arrive encore à reconnaître ma demeure en même temps louper un HLM, c'est sûr que c'est plus difficile qu'une petite maisonnette, hein. Vu comme ça, ça marche plus trop. Et puis elle est flippante, cette comparaison de Voltaire, un peu. J'imagine que chercher le bonheur, c'est un peu plus... comment dire, un peu plus classe, quoi. Enfin, vous imaginez bien. Non, allez, un dernier verre, parce que là, j'ai perdu mon bonheur. Alors, attends, je sais plus où il est. Hey, quelqu'un se rappelle, c'est pas où mon bonheur, s'il vous plaît? Bon, bof, quand même. Et puis, c'est vrai que c'est un peu la grande question, quoi. On se rappelle de façon fortuite du fameux poème du grand chanteur émérite Christophe Maé, qui, je cite, se demande « Il est où ?» Le bonheur, il est où? Bon, sans grande réponse, hein, je sais pas, peut-être que personne n'a jamais voulu lui répondre. Alors là, donc en googlisant cette chose, je tombe sur une page qui s'intitule « 10 minutes pour être heureux ». Bon, on va pas se mentir, quand j'ai vu le titre, j'ai eu un petit rictus condescendant, mais j'ai cliqué quand même parce que j'aime bien les titres à guicheurs comme ça, comme quand tu veux arrêter la cigarette, tu vois. Moi, j'ai déjà tapé dans Google, par exemple, « Arrêter de fumer ». Et j'ai cliqué sur des pages intitulées « Arrêter de fumer en moins de 5 minutes », où tu sais, quand t'es pas trop manchot et que t'as 3 neurones de connectés, que tu vas au moins perdre 10 minutes de ton temps à lire des conneries, mais voilà. Tout ça pour dire que j'ai cliqué. Alors attention, je suis prête à vous révéler les secrets du bonheur. Vous êtes prêts ou pas? On est prêts. Ok. Alors le premier conseil de la page, c'est se mettre à un sport qu'on a toujours rêvé. Bon, je suis pas bien sûre de la syntaxe de cette phrase, mais continuons. Faire du bien autour de nous, oui, plus ou moins concret, ok, quoi d'autre? Être en accord avec nous-mêmes, voilà. Débrouillez-vous avec ça. Bon, je sais ce que vous allez me dire, que j'aurais pu faire l'effort d'aller chercher des trucs intéressants sur Internet. Outil formidable mis à notre disposition, où tu peux tantôt trouver des vidéos sur YouTube avec des gens qui se sont filmés en train de déboucher leurs toilettes pleines d'excréments humains, ou tantôt des vidéos t'expliquant les lois de la physique quantique. Ça dépend où tu mets ton curseur de curiosité, mais aussi de si tu as besoin de déboucher tes toilettes. Hein. Toujours est-il que je suis tombée sur un site intéressant qui s'appelle Courrier Science, où a été relayée une étude comme quoi la musique triste, paradoxalement, était liée chez les participants à un état de bien-être. Et là, j'ai compris. Est-ce qu'on ne fait pas tout ça? Je sais pas, moi quand je suis triste, j'écoute les pires musiques mélancoliques du monde. Et j'ai toujours cru que je m'enfermais dans un espèce de truc pas sain du tout, quoi, à l'image des films américains où les filles se goinfrent d'agendas comme ça en pleurant devant une comédie romantique ignoble. Et je me suis sentie soulagée. Bon, je suis pas d'accord avec la glace et le film médiocre. Mais j'adore le principe, ça fait tellement du bien d'être triste. Comme ça, de lâcher, je sais pas, un bon gros sanglot, comme quand j'étais petite et que mon amoureux du CM2 m'a dit qu'on n'était pas fait pour être ensemble et qu'il valait mieux arrêter là. Non, en vrai, il m'a dit un truc du style. Ouais, franchement, Clarisse, elle est plus belle que toi, alors c'est elle mon amoureuse. Bon, j'avoue, j'ai beaucoup pleuré, mais surtout, j'ai eu très très envie de lui arracher sa tignasse à Clarisse. Mais tout ça pour dire que quand on était petit, ben, on criait quand on était en colère, on pleurait quand on était triste, on sautait partout quand on était content. Maintenant, quand t'as réussi tant bien que mal à sortir de la puberté, t'es obligé de tout contenir. Ça se fait pas de pleurer en public. Alors tu reprends tes larmes, tu les gardes au chaud et tu attends de te retirer du grand brouhaha de la ville pour pleurer un bon coup chez toi. Seule. Tout ça pour dire que j'ai encore dérivé le bonheur intérieur brut du pays. Je m'en fiche un peu en fait. J'aime bien l'idée de pas comprendre ce que c'est et de le sentir me traverser le moment venu. Alors je terminerai cette chronique en vous proposant un morceau de musique pour que nous puissions pleurer ensemble dans la joie et le bonheur. Cette chanson, c'est Cosmic Blues par la grande Janis Joplin. Don't make no difference. écouté le morceau Cosmic Blues interprété par Janis Joplin. C'était en 1969. Merci Lou. Rien à voir, quoique. www.campusfm.fr. Du 7 au 11 mars prochain, Traverse Vidéo, je cite, SM Toulouse, projection, installation, performance, exposition, photographie, tel un jeu de piste de la chapelle des Carmélites au musée des Abattoirs et pour la première fois au cinéma Le Cratère. Traverse Vidéo, ce sont 5 jours de découvertes et de rencontres d'œuvres dites expérimentales. À l'issue de ce marathon de 5 jours, les installations et les photographies restent à découvrir jusqu'au 31 mars. Simone Dompère, directrice artistique des rencontres et présidente de l'association Traverse Vidéo, est avec nous ce soir pour en parler. Bonsoir Simone Dompère. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation dans les studios de Campus FM. Les rencontres Traverse Vidéo, c'est quoi ? C'est ça, François. C'était pas ça, ça c'était un morceau qu'on écoutera tout à l'heure, Ayate, s'appelle Okami, c'est un japonais. Que du bonheur. Que du bonheur dans cette émission. Alors, est-ce qu'on peut arrêter ce moment? Voilà, merci François. Si tu trouves la bande annonce. Oh, si nous chantions, tu me préviens, je voulais vous mettre la bande annonce des rencontres vidéo. Mais, traverse vidéo, pardon, mais c'est pas grave, Simone, non. Vous allez nous expliquer ça. Alors, vous êtes à l'origine de ces rencontres depuis 21 ans. Mmh. À l'époque, vous étiez professeur d'analyse filmique au lycée des Arènes. Et bien plus près encore. Hein. Et bien plus près encore. Ouais, voilà. Je vais vers mes 155 ans, mais quand même. Ah oui, vous les faites pas ah trop. Non, mais oui, voilà, parce qu'il n'y a que le bonheur. N'est-ce pas, Lou ? Absolument. Et vous êtes partie à l'époque du constat que les étudiants en audiovisuel n'avaient pas accès aux œuvres. C'est bien ça ? Voilà. C'est-à-dire que les étudiants en art appliqué avaient effectivement les musées ouverts, même si pas très nombreux dans l'expérimental il y a 20-25 ans. Mais en ce qui concerne l'expérimental, le cinéma, photographe expérimental, c'était pas connu à Toulouse il y a 25 ans. Quand je proposais ça, je vous dirais pas les mots d'oiseau, qui d'ailleurs ils continuent encore. Par exemple. Quand... Oh ben non, ça c'est de la merde. Ah oui, des mots voilà, d'oiseau quand même, non? Elle parlait tout à l'heure de c'est des déjections canines, hein, pas de hein, c'est pas les félins. Et donc, qu'est-ce que c'est ça? On n'y comprend rien. Ou alors, désormais, c'est pour l'élite. Voilà. Donc, il faut. Faire partager ça. Ce qui m'a poussée aussi, c'est que ayant découvert ses œuvres, aussi bien Bukanovski Avignon que Bill Viola à Nantes, je dis il faut qu'à Toulouse on puisse voir cela. Et donc étant professeur d'analyse filmique et c'est bien j'ai de l'image, que du bonheur. Je le répétais. Oui, je sens que là, ça y est, c'est parti. il fallait organiser ça. Alors au départ, ça a été petitement avec les étudiants, et puis ça a pris tellement d'ampleur que désormais, nous recevons 1200 propositions, outre celles que moi je reçois par agent entre guillemets. Alors vous parlez d'œuvres dites expérimentales. On va essayer de définir un petit peu sans. Elles diffèrent par leur remise en cause des codes artistiques et la reconnaissance de la fusion du support et de son œuvre. Mm-hmm. Donc ça demande, oui, vous froncez les sourcils, une petite explication de texte. De quel code artistique parlez-vous d'abord? C'est-à-dire qu'il y a, bon, ça vous le savez, ce sont des clichés. Alors le cliché est d'ailleurs un formatage. Donc c'est qu'il y ait dans l'œuvre de l'inouï, de la parole, plus que de la langue répétée. Vous vous souvenez, nous sommes des êtres de langage, nous sommes donc capables de parler. Donc il y a des langues qui suivent des codes, des règles, selon qui nous sommes, et nous sommes régis par notre langue. Mais pour qu'on fasse œuvre, il faut qu'on passe à la parole. C'est-à-dire que cette langue que nous avons appris avec le lait du biberon, avant on disait le sein de la nourrice, donc le lait du biberon nous entraîne à inventer, à avoir des inouïs. Alors si je veux faire le prof, je dirais que Proust disait que l'art était une langue étrangère. Et donc traverse l'expérimental, il est dans cette recherche de langue étrangère et de ne pas traduire, de ne pas écraser en une seule parole. Parce que dans ce cas, il y a perte de nuance, perte de vocabulaire, perte de cette richesse de pouvoir dire en plusieurs mots le même. Donc quand tout à l'heure on disait bonheur, c'est aussi tomber bien, bonheur. Bon, heure, ce qui tombe, etc. Et la bonheur. Donc, c'est un petit peu travailler sur ces points-là, et pas y travailler simplement par la langue, mais y travailler par l'image, par le son. Et l'expérimental, il est un art plutôt partitionnel, qui s'empare des éléments plutôt comme un musicien. Donc, avec tout à l'heure, on a entendu une musique répétitive, on a entendu ce bonheur tout à l'heure, encore, pardon, là, c'était pas volontaire, de India Song. Comment ne pas avoir un émoi pour India Song? Et l'expérimental, il est capable de ces émois. C'est-à-dire, c'est pas des musiques que l'on réentend, c'est pas des musiques d'ascenseur, ou pour qu'on oublie qu'on est là et puis acheter 3 paquets de chewing-gum, non, de chamallow, plutôt qu'un, etc. Donc, l'art expérimental, il est différent, en ce sens qu'il ne cherche pas à coller à l'attente, mais à ouvrir des questionnements, à ouvrir des sensations. Et il peut s'entendre à tous les degrés, c'est-à-dire qu'il y a une manière épidermique de l'attraper, de le prendre avec soi, mais il y a aussi différentes pelures qui peuvent arriver à différentes possibilités de sens. Alors c'est pas fermé comme les codes qui imposeraient cette langue-là, c'est dans cette ouverture qu'on sent. Alors, je ne dis pas que c'est le regardeur qui fait l'œuvre, mais ça a été très mal compris, cette histoire de Duchamp. Quand on dit le regardeur qui fait l'œuvre, c'est quand il y a une rencontre entre l'œuvre et le regardeur. Pas la tâche de Rorschach, où on pourrait regarder ce que l'on veut. Donc, dans l'expérimental, il y a cette chance inouïe de pouvoir se reconstruire à chaque fois un mode, une sensation, un espace à soi avec l'œuvre. Et donc, qui ne suit pas ces registres connus. Et le second point de l'expérimental, c'est que contrairement à d'autres arts, où certains films s'est fermé dans les blockbusters, etc., et même d'autres, qui font une bande d'images, et puis ensuite ils ajoutent du son. Là, l'expérimental, il travaille le son avec l'image, le corps avec tout, avec les pleurs, avec les rires, avec les sueurs. C'est-à-dire qu'il y a une tentative d'aller au plus près de ce que nous sommes, et pas en pensant qu'on va avoir un. C'est pas nous sommes, c'est un pluriel. Donc on parle pas, par exemple, d'un public, mais des publics. On parle pas. C'est pour ça que je parle de découverte, d'inouï, de rencontre, de différence. Et la différence, on veut pas l'écraser. Simplement, dans Traverse, et c'est pour ça que j'aime beaucoup, moi, le titre de votre émission, Rien à voir quoique. Oui, il y a tout à voir quoique. Voilà, donc rien à voir, c'est ça, on est tout à fait dans cette mouvance-là. Le thème de l'édition 2018, hein, il y a des thèmes tous les ans, c'est l'expérimental est déjà commencé. Là, vous dites que c'est une fausse question. Oui, alors je dis thème, mais ça n'est pas un. Mais je dis thème parce que sinon on ne me comprend pas. Il faut dire quelque chose. Sinon on ne me comprend pas. Même que parfois on dit festival, alors que pour moi, le thème, c'est rencontre. Rencontre d'artistes reconnus, émergents, voire des travaux d'étudiants. C'est pour ça que je suis là. Hein. Il y a des artistes étudiants, y compris un qui vient de Hong Kong. C'est pas mal. J'ai réussi à ce que son unité, c'est une université, fait son voyage. Avec l'université Hong Kong C'est la première fois Hong Kong. C'est avec l'université de Chine que j'essaie de... Oh là là. Oh, attention. Ni hao. Ni hao. Donc, il y a cela, et puis les publics. Et à travers, ça en fait même mieux que Tintin, parce que c'est de 3 à 85 ans. C'est pas de 7 à 77. Non, on parlait du thème. Donc le thème, donc, il y a une phrase. Ouais. Alors, cette phrase, je la dis parce que précisément, on me demande chaque fois, mais qu'est-ce que c'est expérimental ? Ben oui. Et oui. Et donc, elle rappelle que déjà, il y a fort longtemps, même dès que le cinéma s'est lancé et qu'il était dans cette recherche de créer des mondes en mouvement et dans l'image et même le son. Et je l'ai reprise parce que c'est un écho de ce qu'a fait le cinéma lettriste dans les années 50. Hein, pour dire très très vite, hein, on ne va pas faire le cours là où il faudrait que je vienne pendant 3 heures. Hein. Donc c'est le maître qui est un des premiers en 50 ans, même les Américains, à projeter des films sur le corps. Qui le premier a dit le cinéma ça dépasse l'écran et donc il a travaillé à ce qu'il y ait des images ailleurs que sur l'écran, donc le corps par exemple sur des petits papiers ou alors il distribuait dans des séances des feuilles sur lesquelles étaient écrites des phrases et il disait c'est vous qui faites le film avec. Je me suis amusée à faire une séance comme celle, amusée non c'est pas le mot avec à la Cinémathèque il y a quelque temps où j'ai distribué des bonbons en disant ça c'est le film gustatif. Donc, alors ça semble amusant, mais en réalité, c'était poser la question de l'interrelation au sens fort entre les publics, j'ai toujours le pluriel, et ce qui est l'œuvre. Alors, même l'œuvre, il faudrait revenir sur l'œuvre. Mais sur le terme. Sur le terme. Il est beaucoup employé. Voilà, il est très employé. Pourquoi j'emploie ? Parce que sinon, on me dit, mais qu'est-ce que c'est ? Alors, si c'est du numérique, c'est immatériel. Si c'est le corps, c'est le corps qui est si c'est la performance, c'est le corps médium et c'est éphémère. Donc dans l'art contemporain, en même temps, c'est quelque chose de fluide, d'éphémère qui ne reste pas. C'est comme India Song. Vous voyez, ça fluit, ça bouge. C'est le fleuve dans lequel on se baigne pas deux fois. Héraclite, le grec. Bonheur. Bonheur. Donc c'est l'expérimental déjà commencé. C'est pas simple, c'est pas une obédience à le mettre, mais c'est dire que ce cinéma-là, il est constamment là. C'est lui qui fait qu'il y a les œuvres plus consensuelles. C'est lui qui inquiète au sens étymologique. Vous voyez, on bouge, on reste pas sur le point. Donc c'est cette ouverture constante. Et c'est en ce sens que j'ai reprise pour qu'on dise oui, mais c'est vrai. Ça y est. Comment ça se fait que je n'ouvre pas les yeux, que j'ouvre pas les oreilles, que... Alors, il y a un mot que l'on emploie pour le cinéma expérimental, c'est un cinéma haptique. C'est-à-dire que c'est un cinéma on le ressent. Parce que quand on dit la vue, on oublie que quand on voit, c'est avec notre habitude culturelle, à nouveau le lait du biberon, mais on voit en même temps qu'on entend. Et si, par exemple, je vois un poisson vert, si c'est de la salade, ça va. Donc, il y a bien du culturel quand on voit. Et il y a aussi du culturel quand on entend. Et donc, quand le cinéma expérimental, il rappelle que quand on voit, c'est le corps. Pardon, Louis. Oui, allez-y. Je t'ai coupé la parole. Ça me faisait penser à quelque chose. Est-ce que, du coup, on peut parler de kinesthésie aussi ? Aussi, mais pas avec le signe de Baudelaire. Hein. J'ai raté l'être. Mais parce que c'est pas un signe, c'est avec, oui. C'est ensemble. Donc on veut pas obligatoirement avoir un ensemble qui écraserait tout. D'accord. Donc on parle d'intermédialité. Intermédialité, ça veut dire que quand le cinéma, la musique, pas la bande de son, je dis bien la musique, le corps, etc., quand ils sont entrelacés, ils sont dans l'ordre du pax, de l'amour, du faire amour ensemble, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui va écraser l'autre. Ouais. Le couple rêvé, les trios rêvés. C'est-à-dire que ce n'est pas un médium qui va écraser les autres, comme l'ordinateur qui écraserait tous les éléments. C'est qu'il y a la reconnaissance de la musique quand on travaille le film, la reconnaissance de l'image en mouvement quand on travaille le corps, etc. Donc c'est cette merveilleuse donc possibilité, opportunité qui serait dommage d'oublier. C'est pour ça l'expérimental est déjà commencé. Donc c'est une fausse question parce que elle est un peu oratoire. Hein. Vous savez, l'expérimental est déjà commencé. L'expérimental vient de commencer. Point d'interrogation. Voilà, etc. François, est-ce que tu as retrouvé la bande-annonce du festival ? Alors des rencontres. Pardon. Merci. C'est bien donc, d'être là. Les rencontres. Traverse vidéo, c'est ça. Du 7 au 31 mars, découvrez l'art expérimental au 21e rencontre Traverse Vidéo. Le Festival d'art expérimental toulousain vous transportera dans les lieux phares du centre-ville pour découvrir des installations, vidéos, photographies et performances d'artistes internationaux. programmes et itinéraires sur traversevideo.org. Entrée libre à tous les événements et tarifs réduits à la Cinémathèque. Traverse-video.org. Alors concrètement, Simone, de Traverse Vidéo, ce sont plus d'une centaine de créations projetées et dessinées dans la ville. 226. Oh ben, beaucoup plus de 100. Alors dans 11 lieux culturels emblématiques à Toulouse. Mm-hmm. Et vous avez reçu plus de 1200 propositions, oui, dans 49 pays. Même 53. 53. Et c'est moi qui ai dit 49, je me suis trompée. Comment vous choisissez-vous? On va quand même dire œuvre parce que... Ah oui, on dira œuvre parce que bon, on les rencontre quelque part et puis on va dire... Alors là, on va passer opéra, ça veut dire opération, ça veut dire travail. Hein? Donc il y a du travail derrière. Donc ce sont des œuvres dans ce sens-là, même si elles sont éphémères. Voilà. Il y a des photos qui restent. Et sur les 1200, comment vous choisissez? Alors les 1200, bah, c'est difficilement. d'autant plus que certaines sont vues 4-5 fois. Parce que finalement, le thème, il pourrait servir à ça. Alors, aussi. Alors, le thème, il sert, c'est pour cela qu'il y a malgré tout cette question-là, parce que cela permet déjà de faire une division, disons. Parce que certains en voient tout, quelle que soit la proposition, et ça correspond absolument pas à la question. Parce que les œuvres, cette année retenues, elles reviennent à ces questions que l'expérimental a posées dès le début, que ce soit la première période des années 20, du siècle dernier, la période 60, les années 60, qui est l'underground américain, mais on oublie qu'en même temps, il y avait l'art vidéo en France. C'est les mêmes périodes, hein, parce qu'on a retrouvé le super... Il y a le Super 8 qui a été inventé, mais le 16 qui avait été inventé dans les années 20 était trop cher, même. Il avait été confectionné pour les petites bourses, mais c'était vraiment trop cher déjà. Donc, en même temps, on a retrouvé le 16, 8 mètres, et l'art vidéo. Donc, ça s'est fait en même temps. Et il y avait déjà des premières tentatives en numérique. Donc, oui, cette période, c'est une période clé. Et actuellement, alors que la question à se poser, c'est est-ce qu'on peut parler d'expérimental, cinéma expérimental et art vidéo, puisque c'est le numérique qui est devenu le support, mais pas encore le médium. C'est-à-dire que c'est un support, un outil, mais très rarement les artistes s'en emparent pas vraiment les potentialités du numérique. Et ce que je découvre dans les 1200 œuvres, c'est qu'il y a une lignée qui s'empare de l'expérimental cinéma et une lignée qui s'empare de la parole art vidéo. Et entre les deux, certains sont à cette jointure et pensent en numérique. Alors, quelle est la différence entre ce que vous appelez le cinéma et l'art vidéo? Alors, l'art vidéo et cinéma ont une même posture de travailler sur le médium. C'est-à-dire qu'on ne prend pas, on oublie... Vous savez cette phrase qui a été dite au Quattrocento, que l'art était une fenêtre, c'est-à-dire une transparence. Et que donc, on oubliait sur quoi cela a été fait. Alors que l'expérimental, quand il travaille le cinéma, il travaille sur de la pellicule, donc il peut écrire dessus. Si je fais une image sur la pellicule, je peux en faire une seconde qui n'écrase pas la première. Je peux la peindre, je peux la brûler, je peux l'enfoncer au sol pour voir ce que cela devient. Il y a des œuvres, hein, de cette recherche-là. Donc, ça reste un support, mais il a besoin d'un projecteur pour être vu loin. Sinon, c'est un tout petit, bien 16 mm ou 8. Hein. Et l'art vidéo, si je fais une image sur une autre, je l'écrase. Si j'ouvre, je détruis tout. Je ne peux pas avoir l'image comme le cinéma expérimental. Donc, si j'ai les mêmes questionnements expérimentaux, je ne peux pas travailler de la même manière. Donc, c'est le médium qui est vraiment... concrètement une nécessité, une contrainte, une possibilité, une potentialité pour l'œuvre. Et le numérique, c'est du 0-1. Et le numérique, c'est la première machine qui est à la fois la création et la projection, si on veut, sur l'écran. Donc c'est toutes ces questions-là que l'expérimental continue à se poser. Merci Simone Dampin. On va donc faire une courte pause musicale. On part au Japon avec le groupe Hayate, quand l'afro-funk rencontre la musique traditionnelle japonaise. Le morceau s'appelle Okamin. Thank you. chide Kabu kamo ka Sula kudo Sula kudo Sula kudo Sula kudo Sula shiri ajate go Sur Campus FM, on vient d'écouter Okamin par le groupe japonais Ayate. Ça, c'était bien du japonais, Simone. Hein, ah, oui. Sorti en 2017 sur leur second album Abrada. Et on est donc toujours en compagnie de Simone Dompère à l'occasion des 21e rencontres Traverse Vidéo du 7 au 31 mars à Toulouse. Alors concrètement, vous invitez le public à des vernissages, à des rencontres. Et puis on peut continuer de découvrir les installations et les photographies jusqu'au 31 mars. Et tout cela gratuitement. Sauf la Cinémathèque, tarif réduit d'étudiants à 3,50 €. Le cabinet de curiosité ou d'autres choses? Non, parce qu'il y a une séance à la Cinémathèque le jeudi, donc 8 mars à 21h. Et comme pour pratiquement toutes les projections qui ont lieu aussi bien à l'ABC, donc à la Cinémathèque, à UGC, parce que je tiens a lieu dans un lieu générique, parce que s'il y a deux personnes dans la queue d'à côté qui viennent voir ce que c'est, ça veut dire qu'on a... Dire par hasard. Mais oui, oui, c'est à l'UGC, ça. Qui, ouais, ouais. Voilà, des personnes qu'est-ce qu'ils font là, c'est pas payant, on y va, voilà. Ils peuvent avoir le virus. C'est bien, c'est pas comme la grippe, mais celui-là, il le faut. Donc, la Cinémathèque, l'ABC, UGC, le Cratère, hein, donc pour une soirée un petit peu particulière. Au Cratère. Parce que nous la faisons en deux sessions, avec dans la seconde partie des films plutôt Amour des garçons, avec entre les deux une perf de lui qui est devenu elle, et j'en suis ravie, habillée. Une performance. Oh là là, oh, Simone, tu écoutes-toi un peu quand même. Donc, performance. Et cela débute par une performance. Ce que je disais à la Cinémathèque, c'est l'entrelacement. Il y a performance et vernissage. Ou performance et projection. Donc toujours en présence des artistes. Sauf, là, pendant les 5 premiers jours marathon. Et ensuite, du 13 au 31, là, ce sont les expositions seules. Mais si vous voulez une visite guidée, il faut appeler Traverse pour qu'on puisse effectivement discuter devant les œuvres. J'essaierai d'être disponible. Sauf quand nous allons parce que je porte l'expérimental dans le Gers et à Decazeville. Voilà. Donc, sauf dans ces périodes-là. Alors, en amont des rencontres, vous avez donc proposé une séance du cabinet des curiosités à la Cinémathèque de Toulouse. Alors ça, c'était mardi, il y a mardi. Deux jours. Pourquoi un cabinet des curiosités en amont des rencontres? Une sorte de teasing? Alors, c'était... I beg your pardon, I don't speak English. What is a teasing? J'ai pas trouvé le mot. Quand j'ai écrit, teasing m'est venu. Ah ben si, voilà, ben voilà, ce sera la poésie. Like to tease. It is. Alors, c'est que nous avons coutume à la Cinémathèque de faire une soirée en amont. Et ça leur plaît que ce soit dans le cabinet curiosité, parce qu'effectivement, très souvent, synonymie, cinéma expérimental, curiosité. Vous savez, avec la double lecture de curiosité, c'est curieux. Et ça rend curieux, enfin, j'espère. Et il y avait précisément un film japonais avec une toute autre consonance dans ce qu'il disait. Il parlait effectivement japonais. Ça s'appelait Eisei 28. Eisei, c'est le nom de l'ère japonaise depuis l'avènement du dernier empereur. C'est ce nom-là. Et c'était très japonais, mais je suis ravie d'avoir entendu cette chose-là. Donc, ce sont des films qui ont aussi fait une focalisation sur des films chinois, parce que tout à l'heure, on m'a demandé comment je choisissais. Parfois, on tombe en amour ou en éveil avec un film. Et là, il y en a un qui s'appelle Ecstasy. Très, très, très, je dirais, intellectuellement musclé, parce que c'est un... Riedo, qui est donc de Pékin, et qui se permet, ce qui est audacieux hein, pour la Chine encore actuellement, de s'emparer des films propagande chinois. Il fait un film footage. Et il privilégie les gros plans qui disent Mao Tse-Hing, c'est-à-dire Mao président. Alors, il y a des avancées comme cela. Alors, il ne lève pas trop les bras, mais. C'est quelque chose qu'il a pu montrer en Chine ? Alors, non, je ne pense pas. Voilà, c'est ce que je dis. Et donc, je l'ai présenté. Et ce film-là m'a donné envie de programmer des films chinois un petit peu partout. Donc, il y a un fil rouge, cela. Et comme ça m'ennuyait qu'il n'y ait que la séance des curiosités, dans le hall de la Cinémathèque, nous avons installé 3 écrans avec des films en boucle. Il y a celui-là, de Rideau, et un autre qui est du footage, bien des films hollywoodiens, des années glorieuses et des 30 années 50. Donc, c'est ce travail de montage très très précis qui est un des points de l'expérimental. Il y a des vidéos nomades aussi, qu'est-ce que c'est? Les vidéos nomades, c'est ce que certains appellent mapping depuis très longtemps sur les murs, mapping. Nous, ça fait 20 ans que nous projetons des films sur les murs et nous appelons vidéos nomades parce qu'on prend le vidéoprojecteur sous le bras, il faut qu'il y ait du film, hein, quand même une prise, et donc on les projette sur les murs. Alors, on fait ça devant le Goethe. Lors de la soirée du Goethe, il y aura une performance avec des Allemands, Goethe, après avoir eu une performance à l'ISDAT avec une étudiante de l'ISDAT. Et il y aura une performance à la Cinémathèque après, avant la séance. Et donc là, il y aura des vidéos de nuit. C'est de nuit. C'est de nuit. On en montre aussi à Pripart, dans un lieu que je vous. Invite à venir découvrir, c'est une friche industrielle, c'est un fragment de rue qui reste du 19e avec en bas les dallages et en haut la verrière où les calèche allait se fournir. Moi, je croyais que c'était la Dépêche, mais on m'a dit depuis que non. Et je ne sais pas qu'est-ce que c'est qu'il venait chercher. Et au long de la rue de Bayard, il y aura des photographies, des performances itinérantes voilà, aussi, alors, en la extérieur. La rue Bayard, qui a changé, voudrait perdre l'image qu'elle n'a, heureusement qu'elle n'est plus, et jouer sur le mot Bayard, A-R-T. Et donc, on avait fait, lors de l'inauguration de Bayard, on avait programmé quelques œuvres dans les vitrines. Et là, j'ai été de vitrine en vitrine. Il y a 5 vitrines dans lesquelles il y aura des photos. Et nous allons faire une performance avec les étudiants de Prépart le samedi. Et on s'arrêtera, ils feront une performance itinérante. Alors là, ça sera à découvrir en allant d'un lieu à l'autre pour cette image-là. Et puis bon, si on veut faire les intellectuels, Bayard est l'inventeur de la photographie en France. Et c'est le premier à avoir fait une photo fiction pour réclamer des budgets à l'Assemblée nationale en disant que seul Daguerre en recevait. Donc même si on veut prendre Bayard par ce bout-là, c'est pas simplement sans peur et sans reproche. Voilà. Donc, il y a comme cela, chaque fois, des faits, des events, comme on dit en expérimental. C'est-à-dire, on tente de faire lien entre ce qui est montré, l'espace dans lequel on est. Vous savez, le in situ que tout le monde dit, ça compte beaucoup. C'est-à-dire, c'est faire vivre un moment la ville, faire vivre le hall de la Cinémathèque, faire vivre l'ABC. À l'ABC, il y a un atelier. Alors, l'atelier, ce sont 3 artistes, 3 réalisateurs, celui qui vient de Hong Kong, un de France et une espagnole, la parité dont je parlais tout à l'heure en catimini. Et on projette des films très courts et puis c'est un échange. L'année dernière, c'était très bien passé. Donc, on était assis parce qu'on était trop nombreux. Il ne faut pas le dire. Ça m'a dit, il faut faire attention, il ne faut pas faire rentrer plus de place qu'il y a. Alors, c'est dans une salle. Donc, c'est tout à fait dans l'informel. Les artistes sont là pour vraiment, sans contrainte, réagir. Et nous faisons à nouveau une table ronde. Mais là, c'est différent. Ce sont les artistes. Qui discuteront avec qui veut. Bon, donc je vous conseille de venir. Et avant d'aller, précisément en suivant l'itinérance, à l'ABC pour une séance de cinéma. Et ensuite, on ira au Carmélite avec une performance. Alors, cette performance, j'en parle parce qu'elle est très, très expérimentale, dans ce sens que c'est une artiste. C'est Ariane Loz, qui est déjà venue à Traverse, qui est belge, et qui tient tous les rôles et toutes les fonctions du film qu'elle tourne. Autrement dit, elle change sa coiffure, elle change son vêtement pour se filmer elle-même, et c'est elle qui calcule le son, c'est elle qui calcule la lumière, etc. Et elle fait œuvre de cela, où elle tient comme cela, alors on la voit se transformer. Et là, elle va faire au Carmélite mérite cet espace-là. Et puis il y a, ce à quoi je tiens beaucoup, c'est deux impromptus lyriques, deux étudiants en duo donc, du conservatoire, et qui vont chanter là au Carmélite, dont j'ai demandé à ce s'ils pouvaient chanter un air chinois, parce que là on a fait du chinois, donc il y aura même un air chinois. Et ils iront aussi à Ozen, parce que je tiens à ce qu'il y ait cette relation avec tous les moments de la formation. Donc on sera au campus de Rangueil, à l'Esplanade, donc il y aura des photos et des films en boucle. Donc on sera à Ozen pour les lycéens, on sera à Prépart pour les formation d'art et on sera à l'ISDAT. Donc ça m'importe vraiment cette relation, mon atavisme. Avec les étudiants et les publics. Et voilà, tout à fait. En préparant cette émission, j'ai lu les œuvres voguent plus du côté des arts plastiques que du narratif. Elles ne racontent jamais d'histoire. Alors, ce sont des bribes et pas dans lundi, mardi, mercredi. Pas dans 1, 2, 3. Pas dans, par exemple, dans l'expérimental, il n'y a pas de star, il n'y a pas d'acteur. Vous voyez, il y a des figures. Il n'y a pas de protagoniste. Moi, c'est le mot figure qui m'intéresse. Parce qu'on est dans la recherche. Par exemple, la performance, c'est une personne, ce n'est pas un personnage. Parce que quand quelqu'un dit, la performance met en scène, c'est un contresens absolu de l'expérimental. On ne met pas en scène, on n'est pas un théâtre qui dit à quelqu'un, tu parleras là, tu te mettras là. C'est le corps qui prend l'espace. Donc, dans tous ces endroits-là, il y a des mots comme ça. Alors, pour ça, je suis une amoureuse des mots. Mais il y a des mots, je dis non, c'est faux. Là, on n'est plus dans le bonheur. On est dans l'erreur. Est-ce qu'on peut trouver les vidéos des rencontres sur Internet si on veut les voir, les revoir c'est une fausse question aussi, alors, car non, je n'ai pas trouvé. Non, voilà, non, parce que voilà, les expérimentaux ne vivent pas de leur travail. Certains sont au RSA quand ils sont en France, parce que quoi qu'on dise, il y a beaucoup d'endroits où il n'y a même pas le RSA. Beaucoup ont des travaux alimentaires. Et pour moi, c'est un droit qu'ils m'offrent une fois. Et lorsque je fais des cartes blanches ailleurs, je leur demande. Alors, il y a eu un moment où nous étions des poulains de Arte, ça s'appelait Arte Créative, et ils diffusaient ces films-là. Bien sûr, je demandais à chaque fois. Ils ont arrêté. Maintenant, ils ne montrent que leurs propres films. Donc ça, c'était quelque chose de bien, parce qu'à la fois, ça permettait qu'on les connaisse. Donc c'était bien pour eux. Et on voyait. Moi, ce qui me gêne, c'est si on peut aller le voir directement comme ça, c'est fini pour eux, parce que ça va être... Donc il faut venir aux rencontres. Alors, il faut rencontrer. Et ensuite, nous avons une vidéothèque de 20 ans, sans doute une des plus importantes. Même j'ai des VHS qu'il faut que nous transcodons. Là, donc, on peut organiser quelque chose. On peut faire des cartes blanches. Moi, là, dans ce cas, je leur demande. On peut, là, pour les étudiants, s'ils veulent qu'on fasse des choses, on peut tout à fait le faire. Elles ne sont pas visibles à la cinémathèque, par exemple? Non, ou Monstro, c'est difficile. C'est compliqué. Enfin, moi, je serais d'accord. Une fois par mois, j'ai failli dire par semaine. Non. Il faut que je dorme aussi. Mais donc, oui, moi, je suis tout à fait d'accord. Si quelqu'un pense que l'on puisse faire cela pour que ce soit, même si nous sommes que 10 à les voir, c'est du champagne, donc il vaut mieux avoir un verre de champagne que du mauvais mousseux tous les jours. Donc là, et avec le cratère, on va réfléchir à ça, d'en faire au moins deux fois dans l'année. Mais là, nous sommes tout à fait d'accord. Mais malgré tout, c'est eux. Alors on va reprendre le mot œuvre, c'est à eux. Donc, oui. Enlever ça, alors que c'est la seule chose qui leur reste, d'avoir ce pouvoir de dire oui, je le présente ou pas, je veux dire que non, pas possible. Pas possible. Alors que c'est gratuit, donc vous pouvez venir. Je veux dire que ça vous... Et même les vernissages. Alors, hein? On va venir, on va tous venir. Un grand merci Simone Monpère d'être venue faire un tour dans Rien à voir quoique. Donc je rappelle que les rencontres traverses vidéo ont lieu du 7 au 31 mars. Hein, oui, c'est ça. Dans différents lieux à Toulouse et il y a le site traverse-video.org. Toutes les informations aussi sur les réseaux sociaux habituels et le programme papier distribué dans des lieux culturels à Toulouse. Restons dans l'expérimental avec un très court morceau du groupe jazz climatique Anticyclone Trio. Le morceau s'appelle Caillou. Merci beaucoup. Merci. morceau Caillou par Anticyclone Trio. Trois musiciens qui percutent et caressent les climats. Un saxophone sous pression, un piano envolé et un batteur de nuages. Et ils sont en concert ce soir au Taquin, 23 rue des Aminaudis à Toulouse à 21h. Dans 2 heures. Des Aminaudis. J'ai dit quoi ? Ah oui, mais je suis dyslexique, on le sait. Oh putain, c'est en vert. On parle de toutes les cultures, dans rien à voir quoique. Ils sont affreux ces costumes. Sur Campus FM, 94 FM. Huguema, bonsoir. On parle cinéma ou musique alors finalement ? On parle musique. Ah oui, d'accord. Avec Emma. On va parler d'abord de Radio Sewell, donc qui est le dernier album sorti le 2 février dernier de Mélissa Lavaux. C'est un vraiment petit bijou. Donc un gros coup de foot pour ce dernier album. Alors pour replacer un peu le contexte, Mélissa Lavaux est née à Montréal en 1985 avec des parents originaires d'Haïti. Donc elle a été influencée par l'univers de la musique créole, mais aussi de la chanson française, du jazz afro-américain, de la folk canadienne, bref. Un milliard d'influences. Et donc cette jeune femme s'est faite connaître avec son premier album « Comfort Copper ». C'est une chanteuse à la voix hors du commun, si vous l'avez déjà écoutée, et son album rend hommage à ses ancêtres alors même qu'elle n'a jamais parlé créole de sa vie. Donc pour cet album, elle a fait appel à ses souvenirs d'enfant lorsqu'elle entendait sa mère et ses tantes parler créole. Ensuite, elle est retournée en Haïti 2 fois pour récupérer des témoignages et s'imprégner de ce patrimoine historique afin de concocter cet album très personnel. Donc ce qui fait sa force, c'est que Mélissa Lavaux revoit des chansons traditionnelles du début du XXe siècle, retravaillées avec des rythmes actuels qui donnent envie juste de bouger et de danser. C'est aussi un hymne engagé contre l'occupant, parce qu'il s'inspire des chansons donc qui datent du début du siècle et qui ont été composées lors de l'occupation d'Haïti par les États-Unis entre 1915 et 1934. Et à ce propos, pour la citer, elle affirme « J'ai choisi les chansons qui disent « On n'a pas honte de qui on est bien comme on est ». Donc la pochette de l'album haute en couleurs est à l'image du contenu. Rien que pour le visuel, il mérite beaucoup de reconnaissance, donc je vous encourage vivement à vous le procurer parce qu'il fait du bien en ces mois hivernaux qui ne terminent jamais. Et ça met du baume au cœur, ça permet de nous évader à travers un voyage historique et culturel à l'autre bout de l'Atlantique. Donc un petit extrait du titre Cousin pour vous mettre dans cette ambiance outre-Atlantique. Cousin, prends la cousine, Emma. Oui, alors Hugues, grand spécialiste de la musique, qu'en as-tu pensé? Et alors, écoute, moi j'ai écouté l'album plusieurs fois, mais je l'ai réécouté de A à Z cet après-midi. On peut rappeler de qui on parle pour les auditeurs qui arrivent bravo, là tout de suite. Bien sûr, tout à fait. Non, mais donc on parle de Mélissa Lavo, donc chanteuse, musicienne d'Haïti, enfin... franco-canadienne via Haïti. Et donc ce dernier album Radio Sewell, alors moi j'ai eu un peu du mal avec la première partie du disque. Alors je suis assez d'accord avec toi Emma dans le sens où c'est assez entraînant, c'est assez dansant et c'est vrai que c'est une musique qui fait plutôt du bien, mais j'ai trouvé que des fois c'était un petit peu trop enrobé ou qu'il y avait peut-être un peu trop d'effet. Je me suis dit à un moment donné tiens, c'est peut-être produit par Manu Chao alors que c'est pas le cas. J'ai préféré la deuxième partie de l'album et notamment un morceau qui s'appelle Legba Na Consolé, qui est un titre plutôt sombre, épuré, mais intense. Et voilà. Après, il y a d'autres morceaux même sur cette deuxième partie, notamment un avec un petit côté électro-rock sur lequel j'ai pas trop accroché. Mais je sauverai au moins la deuxième partie du disque. Ça a l'air très différent comme style finalement au sein du même album. Ouais, hein, c'est ouais. Assez. Il y a plein d'ambiances différentes et c'est vrai qu'il y a des moments où il y a un côté presque un peu blues entre guillemets qui ressort et puis à d'autres moments il y a ce côté un peu péchu, un peu indie pop et en même temps on sent toujours la musique des Antilles. Voilà, et c'est vrai que moi il y a des fois où j'ai été un peu emporté et puis d'autres fois pas vraiment quoi. Voilà, mais ça reste très agréable à écouter. C'est vrai que ça met un peu de soleil pour en tout cas ça ouais c'est, elle fait des concerts en France parfois. Oui, elle va jouer au Rio Loco à Toulouse au mois de juin. Voilà. mais c'est péchu et entraînant dans l'ensemble, c'est plutôt réussi. Voilà, donc moi maintenant je vais vous parler d'une autre artiste qui s'appelle Sudan Archives, de son vrai nom Brittany Denise Parks, une chanteuse et violoniste afro-américaine. Elle est aussi beatmaker. Elle a été inspirée par des violonistes d'Afrique du Nord-Est. Parmi son mélange d'influences, il y a aussi le R&B, les musiques électroniques, voilà, un style hybride et sensuel. Le résultat n'est pas toujours convaincant, mais quand ça fonctionne, on est bel et bien séduit. En tout cas, ça fonctionne sur moi. Peut-être pas sur tous les titres, mais voilà, il y a vraiment des morceaux que je trouve très très bons. Donc, Sudan Archives, elle a signé avec le label Stance Row après s'être installée à Los Angeles. L'été dernier, elle a sorti un EP sur ce label. Elle a seulement 23 ans et donc cette musicienne qui a déjà joué sur la scène du MOOC Fest, festival musique et multimédia, où on retrouve notamment des musiques électroniques, mais pas que, qui se tient chaque année au printemps en Caroline du Nord. Et tout de suite, le morceau qu'on va écouter dans quelques instants, c'est Paid. C'est extrait de son EP sorti sur Stone Show, qui a récemment été clippé. Et la vidéo fait hommage au travail du photographe malien Malik Sidibé. Et la Fondation Cartier à Paris a récemment consacré une expo à cet artiste de grand talent. Voilà, je vous invite à vous intéresser aussi au travail donc de Malik Sidibé. Et tout de suite, on écoute Paid de Sudan Archives. Oh, donc à l'instant Sudan Archives avec le morceau plutôt sexy. C'est un adjectif que j'emploie rarement et j'aime pas forcément l'employer, mais je trouve que ce morceau est plutôt sexy et plutôt entraînant aussi, comme peut l'être la musique de Mélissa Lavaux. Donc voilà, Sudan Archives, Paid, et allez voir le clip. Voilà, c'est un beau clin d'œil au travail du photographe Malik Sidibé. Et maintenant, je vais attaquer la partie. T'as fait un agenda. Et ouais, un petit ça, agenda. C'est cool, on t'écoute. Voilà, donc. D'abord, alors ce soir au Micro Groove Studio, 6 avenue de Muret, voilà, c'est accessible en tramway, l'arrêt c'est Croix de Pierre, à partir de 19h, donc voilà, ça démarre maintenant, hein, pour ainsi dire, ça sera jusqu'à 23h. C'est le vernissage de l'exposition Dancing Shoes, deux séries de photos de Hélène Resser, j'espère que je prononce bien son nom de famille, consacrée à la danse hip-hop, mais puisqu'on est dans un studio dédié au son et surtout à la musique, des DJ sont également programmés avec Mr Boom, DJ Disco, House, Afro, Funk, que je vous recommande, et Mister Soupa, que les auditeurs et les auditrices de Campus connaissent sûrement, puisqu'il a officié sur les ondes pendant de longues années, et qui est plus connu pour son amour du rap des années 90, donc la sélection musicale promet d'être plutôt chouette. Et à noter que l'exposition donc, des photos de Hélène Resser se tiendra jusqu'au 22 mars, donc je le rappelle, au Micro Groove Studio, 6 avenue de Muret. Et là, on va parler cinéma maintenant avec le cycle Retour d'Acide à la Cinémathèque de Toulouse. Alors, Acide pour Association du Cinéma Indépendant, Association du Cinéma Indépendant pour sa diffusion. Donc, dans le cadre de ce cycle, ce soir à 21h, il y a le film Pauline s'arrache, un documentaire un peu fou sur une famille pas comme les autres, mais rien à voir avec Arnold et Willy. Hein. Et pour ceux qui se rappellent de cette série télévisée. Demain soir, vendredi, à 19h, le film Robert Mitchum est mort de Olivier Babinet, et à 21h, le superbe classique de Jim Jarmusch, Mystery Train, film choral entre errance et rencontre dans la ville de Memphis sur fond de blues, de soul et de rock and roll, et aussi de la superbe musique de John Lurie. Voilà, c'est déjà pas mal entre ce soir et demain. Merci pour cet agenda. Et avec grand plaisir, avec grand plaisir. Il est temps de se quitter. On s'en va. Encore un grand merci à notre invitée Simone Dompère et puis des rencontres traverses vidéo, et merci à toute l'équipe de ce soir, Lou, Hugues, Emma, merci d'être venue dans Rien à voir quoique, sans oublier François à la réalisation technique. Vous pouvez retrouver le replay de cette émission dès demain ou lundi, et de toutes nos émissions d'ailleurs sur le Mixcloud. Il n'y a pas Opus Close ce soir, c'est pour ça qu'on termine un tout petit peu en retard. Open Close. Open, j'ai dit quoi, mais... Moquez-vous. Belle soirée sur les ondes de Campus FM.